suis déjà à des kilomètres du réel. Toi tu fais que de stagner. Tu fais tous les jours les mêmes gestes et t'espères me voir couler. Je ne cesse de monter la pente, la même à laquelle t'es bloqué. T'es tout claqué, on a la pêche, la Red Bull dans les poignets. Je m'endors pas de la caféine dans le crâne, sponsorisé par Nescafé. Toute la tête c'est derrière moi, et fait du bruit comme un mortier. Vous avez de belles montres, nous on a le temps. Je vous démontre, on a rien de temps. C'est ce que je kiffe, c'est mon passe-temps. Une bonne droite, ramasse tes dents. Grosse taille de vodka, regarde-moi au loin. Car tu me vois pas de vrai, je suis trop loin, va te faire enculer. Ramasse les douilles sur un teutrait. Ils sont pas vrais, ils sont pas prêts. Vous êtes bon qu'à tirer des traits. L'honneur revient toujours au même. J'étais déjà le boss de la récré. Ça a pas changé, rien n'a changé. A vos marques, prêt pour braquer. La haine m'a forgé, tout enseigné. Il n'est plus question de saigner. Habitué à faire le mal depuis l'époque des toboggans. Engrainé par Lucifer, si c'est mon slogan. J'suis trop loin, rien ne me freinera. Trop loin, tu me rattrapes pas. Ici, pas de blabla. On enterre toutes ces kahbas. J'suis trop loin depuis la naissance. Trop loin dans la conscience. On fait tout dans la conscience. L'essentiel c'est que j'avance. J'suis trop loin, rien ne me freinera. Trop loin, tu me rattrapes pas. Ici, pas de blabla. On enterre toutes ces kahbas. J'suis trop loin depuis la naissance. Trop loin dans la conscience, on fait tout dans la conscience. L'essentiel c'est que j'avance. J'suis l'histoire de Farfaf le loup. J'en tape 3 fraîches par jour. J'ai tout dans la tête, caresse mes pecs. Bientôt tu m'entendras partout. J'ai des grosses putes pour tes partous. Dans la fouille 2 ou 3 12. Crois pas que la musique est douce. On connaît la gloire, on a recalé la loose. La main sur 3, 5, 7, à 2 doigts de presser la détente. La grosse chatte à ta tante. T'es trop guise, tu restes en attente. Les menottes se sont refermées sur nous. Bien avant l'adolescence, on en a dans le crâne, on agit à l'impulsion, dans l'inconscience. Ils comprennent pas, c'est nous des bestes. Ils peuvent rien faire, même pas nous testent. Ils nous détestent, la justice propage plus vite que la peste, que la peste. Je ne cesse d'avancer, toi t'es bloqué à la même place. Je suis trop loin pour toi, cousin, t'es la paire. Je suis le carré d'as, personne ne remplace. Nous tous qu'on vit, c'est du réel. Dans mon équipe, pas de boucard, c'est tout pour l'oseille. Tu connais la règle, la violence est dans nos gènes. Tu mouilles ton slip, femme fontaine. La rue des engraines, faites-nous des bonhommes. Toi tu fais de la peine. J'suis trop loin, rien ne me freinera. Trop loin, tu me rattrapes pas. Ici, pas de blabla. On enterre toutes ces kahbas. J'suis trop loin depuis la naissance. Trop loin dans la conscience. On fait tout dans la conscience. L'essentiel c'est que j'avance. J'suis trop loin, rien ne me freinera. Trop loin, tu me rattrapes pas. Ici, pas de blabla. On enterre toutes ces kahbas. J'suis trop loin depuis la naissance. Trop loin dans la conscience. On fait tout dans la conscience. L'essentiel c'est que j'avance. J'avance.